Thank you. Thank you. Tanzen. oui, monsieur. Qu'est-ce que tout, qu'est-ce que au revoir. Je suis drôle, je parle plus. Le cornier, because you're worth it, because you're worth it. Le cornier. Maybe zip some water from the parle tube. Parle plus, qu'est-ce que tout. Parle plus, qu'est-ce que. Too much reverb on my vocals when I put the band down. When I get Flippers on, I'm walking through the store.